cœur. C'est toujours une joie que de partager la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, notre pasteur n'est pas là. Alors je le dis, il est allé prêcher à l'église La Moisson des Blés. C'est pourquoi il n'est pas là aujourd'hui parmi nous. Et on pense à lui aussi dans ces moments. Et on sait qu'ils vont se réjouir dans ces moments. Si je vous dis Jérémie, à qui pensez-vous? Le prophète? Non? Au prophète Jérémie. Au prophète Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie a à nous dire? Plein de choses. Je suis sûr que plein de choses vous viennent à l'esprit. Énormément de choses. 52 chapitres, il y a de quoi dire. Ce qu'il faut savoir c'est de Jérémie, en fait, c'est que c'est un prophète qui a prophétisé environ au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est un prophète, je dirais, carrière longue, hein, puisqu'il a prêché entre 40 et 50 ans. Il a connu quatre rois, un gouverneur, il a connu les invasions, il a connu le siège de Jérusalem, il a connu la déportation, il a aussi connu l'hostilité de la part de sa propre famille. Il a été emprisonné, libéré, fouetté, emprisonné, en exil. Ce qu'on peut retenir de lui, plein de choses, énormément de choses. Il a été mis en situation, des situations étranges, pour nous communiquer la parole de Dieu. On lui a dit d'acheter une ceinture, on lui a dit d'aller voir le potier, on lui a dit de porter un joug, mais il a aussi acheté un champ parce que dans tout ce qu'il a dit, il y avait aussi un message d'espérance. Je vous invite à prendre Jérémie chapitre 13. C'est l'histoire de la ceinture. Jérémie chapitre 13, on lira des versets 1 jusqu'au verset 11. Voici ce que me déclara le Seigneur. Va t'acheter une ceinture de lin, mets-la autour de ta taille, mais garde-toi de la laver. J'achetai donc une ceinture comme le Seigneur me l'avait dit, et je la portai autour de la taille. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Prends cette ceinture et rends-toi sur les rives de l'Euphrate, tu la cacheras là-bas dans une fente de rocher. Je me rendis donc à l'Euphrate et j'y cachai la ceinture comme le Seigneur me l'avait ordonné. Au bout d'un temps assez long, le Seigneur me dit, retourne à l'Euphrate et prends-y la ceinture que je t'avais commandé de cacher. Je retournai donc à l'Euphrate, dégageai la ceinture et la repris à l'endroit où je l'avais cachée. Mais je constatai qu'elle était pourrie, complètement hors d'usage. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Voici ce que déclare le Seigneur, je ferai subir le même sort à ce qui fait la fierté de Juda, la grande fierté de Jérusalem. C'est en effet un peuple malfaisant qui refuse d'écouter ce que je dis. Il a suivi avec obstination son intention de s'attacher à d'autres dieux en leur rendant un culte et en se prosternant devant eux. Eh bien, que ce peuple ait le sort de cette ceinture complètement hors d'usage. Car, comme on s'attache une ceinture autour de la taille, dit le Seigneur, je m'étais attaché le royaume d'Israël et le royaume de Juda pour leur confier ma réputation, pour qu'ils soient mon peuple. Mon titre de gloire, ma parure, mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, ce que j'apprécie particulièrement dans le texte biblique en général et dans ce passage en particulier, c'est la manière si attentionnée dont Dieu s'y prend pour trouver le chemin de nos cœurs, pour nous amener à réfléchir sur nous-mêmes et en vue de nous transformer. Le livre de Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais qu'on n'y prête aucune attention. Serions-nous distraits, frères et sœurs, serions-nous distraits quand Dieu cherche à nous parler? Alors, on ne peut pas établir une liste complète de la manière dont Dieu cherche à nous parler sans faire offense à la diversité des moyens que Dieu utilise pour s'adresser à nous. Certains, nous le savons, ont reconnu la voix de Dieu dans le grondement du tonnerre ou dans le silence le plus assourdissant. D'autres ont entendu Dieu leur parler dans le feu d'un buisson ou dans la moiteur d'une toison de moutons. Nous le savons, Dieu est même capable de faire parler un âne, en l'occurrence une ânesse, pour faire entendre sa voix, tant il désire nous parler, nous transmettre sa parole. Alors, si vous promenez dans la nature et que vous voyez un âne dans un pré, ne vous plantez pas devant lui, je doute qu'il vous parle de la part de Dieu. Alors ce matin, frères et sœurs, ce matin, ne soyons pas étonnés si Dieu choisit de nous parler à travers l'histoire d'une ceinture. De quoi s'agit-il dans cette petite histoire, dans cette métaphore de la ceinture de Jérémie? Je pense que ce que ce texte soulève, c'est toute la question de l'attachement. Et pour être un peu plus précis, la question de l'emprise du temps sur nos attachements. Je le formule exprès au pluriel, parce que nos attachements sont multiples, et le texte de Jérémie que nous avons vu ce matin nous aidera à le comprendre. Il y a tout d'abord l'attachement de Dieu. L'attachement de Dieu, c'est cet attachement de Dieu pour nous. Et puis, il y a un autre attachement, plus personnel celui-ci. Je pense à cet attachement, à mon attachement à Dieu, de celui que j'ai pour Dieu, et parfois de conséquence, l'attachement que nous avons les uns pour les autres. L'attachement de Dieu, l'attachement à Dieu et celui que nous avons les uns pour les autres. Alors ce matin, comme le faisait remarquer un théologien danois, Kierkegaard, nous ne ferons pas que regarder les Écritures, mais nous nous regarderons dans les Écritures. C'est ce que je vous invite à faire ce matin. Alors le texte de Jérémie 13 se découpe assez facilement autour du thème de la ceinture. Il y a, je l'ai noté en tout cas, et c'est ce que je voudrais partager avec vous, il y a trois mouvements dans ce texte qui sont liés au temps. Tout d'abord, le premier mouvement, la ceinture est achetée. Elle est portée sans être lavée. Deuxième mouvement, la ceinture est cachée, mise à distance, où elle se détériore. Et puis, il y a un troisième mouvement dans lequel la ceinture est cherchée, trouvée dans un triste état. Et le texte, nous l'avons lu, se termine par une parole de jugement, puis un épilogue en forme d'explication qui n'est rien d'autre, à mon sens en tout cas, que l'espace que Dieu nous donne à notre réflexion et à notre action. Va Jérémie, va t'acheter une ceinture de lin, mets-la autour de la taille, mais garde-toi de la laver. J'achetai donc une ceinture, comme le Seigneur me l'avait dit, et je la portai autour de la taille. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins. Cette ceinture de lin, achetée, portée continuellement sans être lavée, est l'illustration de l'attachement de Dieu, de l'attachement inaltérable de Dieu pour nous, de cet amour puissant et éternel par lequel il s'est attaché, lié à nous, en faisant alliance avec nous par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut voir dans cette ceinture. Et il le dit lui-même au verset 11, « Comme on s'attache une ceinture autour de la taille, dit le Seigneur, je m'étais attaché » ou « je me suis attaché ». Alors, même s'il y a bien longtemps, s'il y a bien longtemps que le peuple de Dieu a décrafé sa ceinture, même s'il y a bien longtemps que ce peuple auquel Dieu s'est attaché par amour s'est à son tour détaché de son Dieu pour s'attacher à d'autres dieux, Dieu reste fidèle. Dieu est fidèle. Le temps n'a aucune prise sur l'attachement qu'il nous porte, sur la solidité du lien qui nous unit à lui. Sa ceinture à lui, elle est solidement nouée. Elle a été achetée. Pourquoi achetée? Parce que Dieu accorde de la valeur à cet attachement. Il ne s'en sépare jamais, parce que rien ni personne ne peut nous séparer de lui. Cette ceinture nous rappelle que nous ne pouvons pas échapper à l'amour et à la présence de Dieu. Dieu est sur nous, avec nous, pour nous, autour de nous et en nous. Cette ceinture fait corps avec lui, comme elle a fait corps avec le corps du prophète. Il la porte jour et nuit, dans les jours de fête comme dans les jours ordinaires. Elle n'a jamais été lavée. Petit détail, elle n'a jamais été lavée. Elle n'est pas délavée. Cette ceinture est intacte, elle traverse les siècles. Rien n'est venu modifier son tissage ou sa couleur d'origine. Dieu reste le même. Aucun lavage, aucun passage à l'eau, pas même le passage par les grandes eaux de l'épreuve du temps, rien, absolument rien, frères et sœurs, n'est venu rétrécir les fibres de son attachement, comme c'est parfois le cas pour nos vêtements lorsqu'ils passent à la machine. Dieu s'attache à nous, sans pour autant nous contraindre. Dieu ne nous étouffe pas dans son amour. On n'est jamais à l'étroit dans l'amour que Dieu nous porte. Notre Dieu est constant. Il est fiable. Il est sûr et solide. Comme ce roc, ce rocher des siècles sur lequel nous sommes invités à bâtir notre maison, à construire nos vies soumises à l'épreuve du temps et aux intempéries de la vie. Dieu est fidèle, nous l'avons entendu dans la prière. Rien ne peut user sa patience, sa ceinture n'est pas abîmée, elle ne moisira jamais. Dieu est fidèle, on peut compter sur lui, on peut s'attendre à lui, il est le témoin fidèle et véritable, il est un refuge au jour de la détresse, et parce qu'il est fidèle, rien ne peut altérer l'amour qu'il nous porte, rien ne peut détruire un seul fil ou effilocher une seule fibre de cette ceinture, parce que notre Dieu garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Et même si nous sommes infidèles dans l'attention que nous lui devons, lui, il demeure fidèle. Aucun péché, aucune faute non plus, pas plus que l'infidélité du peuple ou la nôtre, ne peuvent remettre en question le lien puissant de son amour pour nous, parce que Dieu nous aime d'un amour éternel, dira Jérémie. Cette ceinture de lin que Jérémie est prié d'acheter et de porter sans la laver en est la démonstration. Premier mouvement, second mouvement, mon attachement à Dieu. Prends cette ceinture et rends-toi sur les rives de l'Euphrate. Tu la cacheras là-bas dans une fente de rocher. Je me rendis donc à l'Euphrate et j'y cachai la ceinture comme le Seigneur me l'avait ordonné. Au bout d'un temps assez long, le Seigneur me dit, retourne à l'Euphrate et prends-y la ceinture que je t'avais commandé de cacher. Je retournai donc à l'Euphrate, dégageai la ceinture et la repris à l'endroit où je l'avais cachée, mais je constatai qu'elle était pourrie, complètement hors d'usage. Et c'est là qu'on comprend, bien entendu, qu'il s'agit d'une métaphore, parce que comment se rendre de Jérusalem à l'Euphrate si ce n'est pas un langage imagé. La ceinture est déplacée. Elle est cachée, mais elle se détériore et elle pourrit. Elle est hors d'usage. Pourrie, oui, bien sûr, mais elle a été dégagée de son trou, décoincée de son étroitesse, Elle a été cherchée loin, très loin, sur les rives de l'Euphrate, à des milliers de kilomètres, à des années-lumière, à des années de la lumière qui brille encore sur Jérusalem. Elle a été cherchée et elle a été trouvée comme elle était, dans l'état où elle était. La ceinture est déplacée. Il y a donc un déplacement. Et si la question de l'attachement que Dieu a pour nous est entendue, nous l'avons dit tout à l'heure, qu'en est-il du nôtre? C'est ce déplacement qui est intéressant, parce qu'il m'oblige à considérer la nature ou la solidité de mon attachement à Dieu, un attachement soumis à l'épreuve du temps, au bout d'un temps assez long, nous dit le texte, loin de Dieu, mis à distance de Dieu, on se cache, comme l'ont fait nos premiers parents. Cette ceinture est mise au trou, peut-être plus par négligence que par ignorance, comme nos talents, comme notre salut, soigneusement enveloppés dans un linge que nous abandonnons au profit du monde, au bon vouloir de cette terre, que de ce sol que Dieu a maudit. Et le drame est sans doute là, frères et sœurs. Le drame est là. Elle s'est abîmée de ne pas avoir servi. Alors souvent on dit que ça ne s'use que si l'on s'en sert. Eh bien là, c'est exactement le contraire. Elle s'est abîmée de ne pas avoir servi. Et c'est là le drame. Elle a été usée pour en avoir fait l'économie. Hors d'usage, inutile, pour ne pas avoir été utilisée, travaillée, fortifiée comme un muscle atrophié. Quel drame! Elle s'est moisie parce qu'on a préféré la remiser. On a préféré remettre la relation à plus tard, et avec le temps, avec les intempéries de la vie, elle s'est distendue, elle s'est salie, elle s'est pourrie. Alors, quelque chose doit être fait. Il faut réparer ce lien, il faut restaurer la ceinture. Et c'est Jérémie qui va la chercher, c'est Jérémie qui la trouve, c'est Jérémie qui la dégage de son trou, de sa vie en creux, de sa prison et de son éloignement. Alors on a dit bien des choses de Jérémie, des choses se sont certainement venues à votre esprit, mais Jérémie, c'est le prophète de la branche d'amandier, de celui qui perçoit que de la branche la plus morte, en apparence, peut toujours fleurir, que cette branche peut toujours fleurir et porter du fruit. Cette branche d'amandier ressemble à la croix, à ce bois mort, que ce bois mort a porté, qui pourtant a porté la plus belle fleur d'espérance qui ait jamais existé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort pour nous. C'est Jésus-Christ, ce plus grand que Jérémie, qui est venu faire sortir ou ressortir l'importance et la valeur du lien, du trou où toute mon négligence l'avait enfoui. Le Christ est venu réparer notre ceinture, la ceinture de la relation abîmée, de la relation perdue, de notre relation au Père, bien sûr, mais aussi de notre relation aux autres. Il a réparé la ceinture de nos infidélités en manifestant son amour pour nous. Et c'est sans aucun doute lors de son tout dernier repas avec les disciples qu'il restaure à jamais la ceinture de la relation qui s'était abîmée. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se fait une ceinture. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jean chapitre 13, Jérémie chapitre 13, Jean chapitre 13, c'est pour nous aider à voir qu'il y a la prophétie et qu'il y a l'accomplissement. La ceinture de lin, le linge, même origine, même étymologie que lin, un linge dont le Christ se fait une ceinture. Le Christ remet devant nos yeux émerveillés la ceinture de l'amour fidèle de Dieu, comme un geste à imiter, comme un exemple à suivre. À nous, frères et sœurs, de le suivre dans ce chemin. À nous de ne pas laisser moisir la ceinture de la relation fraternelle, car comme nous l'avons vu, elle peut s'abîmer pour ne pas avoir servi. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Il s'est attaché solidement à nous par une alliance éternelle et nouvelle, par Jésus-Christ, notre Sauveur, aussi solidement, aussi définitivement que la ceinture de Jérémie. Cette petite histoire montre combien, avec le temps, il est facile d'oublier Dieu dans un trou de rocher, d'oublier notre attachement à Dieu, notre relation avec Dieu, ou ce qui nous lie les uns des autres. Lorsque nous ne prenons pas soin de cette relation, elle s'abîme, elle risque de moisir, inutile. La ceinture de l'un, c'est un peu nous, dans nos multiples fidélités et infidélités, dans nos attachements ou dans nos abandons. Car loin de la présence de Dieu, avec le temps, on se détériore, on s'abîme, on s'effiloche, on s'étiole. Alors, frères et sœurs, pour autant que cela dépend de nous, réparons la ceinture, réparons les liens qui nous unissent s'ils se sont abîmés à force de les négliger. Attachons-nous fortement au Christ. Renouvelons ensemble notre attachement à celui qui, par amour, s'est laissé attacher sur une croix pour nous. Amen. Amen. Je laisse la parole.